إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 18 dans l'explication du livre Zajr al-Mutahawin بضرر قاعدة المعذرة والتعاون écrit par le Cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman. Aujourd'hui inshallah ce sera notre dernier cours sur ce sujet parce que on a terminé le livre, alhamdoulillah. C'est juste, il reste à lire les fatwas des ulama qui ont été rassemblés à la fin du livre par le cheikh pour expliquer, clarifier la position des ulama vis-à-vis de cette règle des ikhwan aujourd'hui qui sont, c'est-à-dire les paroles des ulama au sujet de cette règle des ikhwan. On s'excuse mutuellement dans nos erreurs, dans les choses sur lesquelles on a des divergences, et on travaille ensemble, on coopère ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Donc ça veut dire comme si on passe par-dessus nos erreurs, on oublie nos divergences, on porte pas attention ou bien on s'occupe pas de nos divergences, on travaille uniquement ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord. On va lire plusieurs paroles de plusieurs chouyouk aujourd'hui, pour voir qu'est-ce que eux ont dit les savants d'aujourd'hui parmi les ulama qui suivent le manhaj des salaf, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de cette règle qui a été ramenée par Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des Ikhwan al-Muslimin. Bon, on va commencer inshallah. Ça c'est la troisième section du livre Aqwal al-Ulama fi al-Qa'ida. Donc, qu'est-ce que les ulama ont dit au sujet de cette règle? La première chose que le cheikh mentionne, c'est une clarification au sujet d'une parole du savant, d'un grand cheikh, un grand ulama, qui est Abdurrahman al-Sa'di. Parce que dans un de ses livres, il y a une parole, une citation où il parle de cette règle, et certaines personnes pourrait l'utiliser pour essayer de dire que certains savants l'ont aussi utilisé cette règle-là et qu'elle est bonne, pour essayer de justifier ce principe en utilisant les paroles de ce cheikh. Donc on va mentionner l'exemple de où est-ce qu'il a dit ça, le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, où est-ce qu'il a dit ça et dans quel contexte il l'a dit, pour montrer en réalité que la façon dont il l'a utilisé, ça n'a pas été utilisé de la même manière que les Ikhwan, puis on va voir c'est quoi la différence entre sa façon, comment lui il l'a utilisé, et la façon dont les Ikhwan l'utilisent pour montrer la différence. Cheikh il dit Tahrir al-Murad al-Allamah al-Sa'di. On va clarifier, expliquer qu'est-ce que le grand ulama, le grand alim al-Sa'di, qu'est-ce qu'il a voulu dire lui lorsqu'il a utilisé cette expression ou cette règle. الشيخ يقول وربما ظن بعض من وقف على كلام للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه المناظرات الفقهية أنه يقول بهذه القاعدة مطلقا وليس هذا بصحيح كما سنوضحه إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله في سياق حديثه عن فوائد التصنيف في مسائل الخلاف على طريقة المناظرات: ومنها ما يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا يوجب القدح والعيب والذم، بل كما قال بعضهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بخلاف حال الجاهل ضيق العطن الذي يرى أن من خالفه أو خالف من يعظمه قد فعل إثما عظيما وهو معذور، بل ربما كان الصواب معه. فهذه حالة لا يرتضيها أحد من أهل العلم، ونسأل الله العافية منها ومن كل ما لا يحبه الله ورسوله. Donc le cheikh il dit, il se pourrait que certaines personnes s'imaginent, certaines personnes qui ont entendu ou qui ont lu une certaine parole du cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di dans son livre Al-Munadharat al-Fiqhiyya, c'est-à-dire les débats qui ont été faits sur le fiqh. Il a écrit ce livre-là qui s'appelle comme ça, Al-Munadharat al-Fiqhiyya. Al-Munadharat, c'est les débats, ou bien les argumentations, entre deux personnes ou plusieurs qui discutent sur des questions de fiqh. Il a mentionné cette règle, et certaines personnes pourraient s'imaginer que le cheikh l'a mentionné d'une manière absolue, sans la restreindre et sans clarifier que c'est une parole qui est restreinte. Donc nous on va voir, le cheikh il dit que c'est pas le cas, c'est pas correct de penser ça, puis on va l'expliquer et on va le clarifier. Le cheikh rahimahullah, il a dit dans le contexte de ses explications, lorsqu'il parlait des questions de divergence et qu'il débattait au sujet des comment argumenter dans les questions de fiqh, et il expliquait ça dans l'introduction à la page 7. Il dit dans ce livre, et on peut savoir à partir de ça que les divergences dans ces questions-là et dans ces sujets-là entre les hommes de science et les savants, ça ne mérite pas un blâme ou une faute ou une erreur ou une imperfection ou quelque chose de ce genre, parce que les divergences dans les questions de fiqh et dans ces questions d'ijtihad, il n'y a pas de blâme à faire entre les ulama sur ces questions là il dit, comme certains d'entre eux disent, on s'entraide c'est-à-dire on travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on diverge. Contrairement à la personne qui est ignorante, qui a une horizon qui a une vision qui est étroite, et qui voit que toute personne qui le contredit ou qui contredit celui qu'elle respecte parmi les savants comme étant un pécheur ou comme ayant commis un péché, un grand péché. Alors que c'est une personne qui est excusée. Et non seulement qu'elle est excusée, peut-être que c'est elle qui a la bonne position, qui est correcte, qui a la position qui est correcte. Alors ça, c'est un état et une situation qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas correcte. Personne parmi les savants n'agrée d'un état ou d'une situation pareille. C'est-à-dire que les gens se blâment les uns les autres pour les divergences qu'ils ont dans des questions de fiqh et d'ijtihad. Il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala sa compassion et son pardon pour une telle attitude, d'avoir une telle attitude. وكل من لا يعني ومن كل ما ومن كل ما لا يحبه الله ويرضاه ومن كل ما لا يحبه الله ورسوله. De toutes choses, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et d'avoir de la compassion envers nous à propos de toutes choses que Allah n'aime pas ainsi que son messager. Donc le cheikh il dit, maintenant il va clarifier le contexte de sa parole. Le cheikh il a terminé cette citation là. Maintenant il explique les points par rapport à cette parole. Il dit فَكَلَامُ الشَّيْخِ وَاضِحٌ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ أَوَّلًا هذا بين فإن كتابه كله في مسائل الفقه التي تتجاذبها الأدلة كتقسيم المياه وصلاة المنفرد خلف الصف وأشباهها. ثانيا كلام الشيخ مقيد بالمسائل التي يكون المخالف فيها معذور فتأمل قوله وهو معذور. ثالثا عمل الشيخ في كتابه المناظرات يوضح مراده من تلك العبارات فهو يذكر الخلاف بين الطرفين ثم يذكر حججهم ومستند أقوالهم ثم يحاكم بينهم فيما اختلفوا فيه بمقتضى الكتاب والسنة وتجد هذا جليا في قوله والحق ضالة المؤمن والحق ضالة المحق وإن لم يكن عندك سوى ما ذكرت من الأدلة وهو كذلك فيلزمك الانقياد إلى الحجة. انتهى كلامه. وكذلك في قوله الواجب علينا واحد وهو اتباع ما رجحه الدليل السالم عن المعارض المقاومة. انتهى كلامه. فأين هذا مما يعمل هذه القاعدة مع أهل الأهواء بل وغلاتهم وشرهم كالرافضة دون إلزامهم بالانقياد إلى السنة. Donc on va lire les premières explications. Le chef il dit donc la parole du chef elle est claire que c'est au sujet de ces questions de fiqh. Premièrement, c'est au sujet des questions de fiqh et des questions sur lesquelles il y a des ijtihad, des divergences basées sur l'ijtihad entre les ulama, comme c'est clair dans sa parole dans le livre. Et le cheikh il dit que tout son livre au complet parle des questions de fiqh, donc c'est clair que ça se limite aux questions de fiqh. Et non seulement ça, c'est que le cheikh il se base uniquement sur des preuves et les textes. Par exemple, quand il mentionne les questions de divergence, il argumente entre elles avec les preuves. Comme dans les questions, par exemple, de la division des catégories, des différentes catégories de l'eau. L'eau qui est pure et l'eau qui est impure, ainsi de suite. L'eau qui est pure, l'eau qui est impure. Après, parce que le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il suit la position de Ibn Taymiyyah dans ce sujet-là, mais avec les preuves, bien entendu. Après, le cheikh, il mentionne des questions comme par exemple la personne qui prie toute seule derrière le rein, et d'autres questions de ce genre. Deuxième point, le cheikh, il dit que cette parole, donc, du cheikh, elle est limitée aux questions, dans lesquelles la personne qui a divergé, elle est excusée. C'est-à-dire les questions d'ijtihad. Lorsque la personne est excusée, c'est dans les questions d'ijtihad, lorsque c'est un mujtahid. Quand il mentionne même dans cette citation, il dit « wa huwa ma'zour », c'est-à-dire qu'il est excusé. Thalithan, troisième point, le travail du cheikh dans ce livre-là, il clarifie également son qu'est-ce qu'il veut dire et qu'est-ce qu'il a comme intention. Parce que c'est clair dans ses expressions et dans la façon dont il parle. Parce que quand il parle, quand il explique les questions de fiqh, il explique les divergences qui existent entre deux personnes ou entre deux catégories de ulama. Il mentionne leurs arguments, leurs preuves, Hein? Et puis ils jugent entre eux par la suite dans la divergence qu'ils ont selon l'implication qui est prouvée par le Coran et par la Sunna. Et tu trouves qu'il dit ça d'une façon très très claire lui-même dans la page 16 dans son livre Al-Munazarat al-Fiqhiyya. Il dit: et la vérité, c'est l'objet perdu de la personne qui cherche qui est sur la vérité. La vérité, c'est comme si c'était un objet perdu pour la personne qui est sur la vérité, qui veut la vérité. Hein? Partout où il la trouve, hein, ça lui appartient. Hein? C'est ça que ça ce qu'il veut dire. Donc, il dit, si tu n'avais pas rien d'autre que les arguments que tu as mentionnés, et c'est le cas, alors c'est nécessaire pour toi de te soumettre à la preuve. Ça, c'est la fin de la citation qu'il a mentionnée ici. Donc, ça veut dire que le cheikh, il clarifie, il mentionne que si tu as vu la preuve, tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre aux preuves qui ont été mentionnées. Et ça, c'est la preuve que on ne s'excuse pas nécessairement dans toutes les divergences. Et on ne s'excuse pas nécessairement dans toutes les choses qu'on a divergées. Il faut retourner à la preuve lorsque la preuve a été clarifiée. Ensuite, il mentionne un autre exemple d'une citation comme ça, à la page 23. Il dit, c'est obligatoire pour nous. Al-wajib alayna wahid. Qu'est-ce qui est obligatoire pour nous? C'est de faire une chose. C'est-à-dire de suivre ce qui a été supporté par la preuve, qui est exemple de toute opposition qui viendrait s'y opposer. Hein? Donc, lorsque la preuve elle est claire et elle n'a pas rien qui vient en opposition avec elle, alors il est obligatoire pour nous de suivre cette preuve-là et de s'y soumettre. Donc, ça c'est un autre exemple ici où le cheikh explique ça. Hein? C'est cette chose-là qui est unique, qui est obligatoire pour nous, c'est de suivre ce qui a été supporté par la preuve. ما رجحه الدليل السالم عن المعارض المقاوم. Donc c'est ici il clarifie encore que il faut suivre la preuve et que c'est la seule voie et c'est la seule chose qui est obligatoire pour nous, c'est de suivre ça, suivre la preuve. Ensuite il dit donc comment quelqu'un pourrait utiliser cette parole du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di par la suite et l'appliquer de façon absolue avec même les gens de Bid'a et des gens qui suivent leur passion et même les extrémistes parmi eux et les plus graves parmi eux comme par exemple les Rafida, hein, et sans leur demander ou sans leur imposer de se soumettre à la Sunna. Hein. Donc ça c'est l'attitude qu'on voit chez les Ikhwan lorsqu'ils appliquent cette règle. Ils l'appliquent de manière absolue sans le limiter aux questions d'ijtihad ou aux questions de fiqh. Il l'applique d'une façon absolue avec les kuffars même et même avec les rafida parmi les shi'a. Donc c'est la preuve qu'ils n'ont pas appliqué, ils n'ont pas appliqué leurs règles uniquement dans les questions de fiqh, mais ils l'appliquent même dans les questions d'aqida et dans les questions qui sont même avec les gens de déviation et les gens qui sont sortis de la sunna et même parfois qui sont sortis même des limites de l'islam. Quatrièmement, le cheikh dit رابعا لا بد من جمع نصوص الشيخ جميعها في المسألة الواحدة حتى يعلم مراده على حقيقته وإذا فعلنا ذلك لم نرى الشيخ يعمل هذه القاعدة أو يعمل هذه القاعدة مع المبتدعة كأولئك بل تراه يرى جهادهم أولى من جهاد العدو الخارجي فكلام العلامة السعدي مجمل ولا يوجد في كلامه ما يدل على إعمالها مع أهل البدع فاحذر مسالك أهل البدع الذين يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة قال شيخ الإسلام عنهم وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة كما فعلت النصارى فيما نقل لهم عن الأنبياء فيدعون المحكم ويتبعون المتشابه انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, quatrièmement, il faut absolument réunir tous les textes du cheikh, les paroles du cheikh au sujet de la même question, pour savoir réellement ce qu'il veut dire et c'est quoi la réalité de son intention lorsqu'il dit ce genre d'expression-là. Et lorsqu'on retourne aux autres paroles du cheikh à ce sujet, on voit que le cheikh n'a pas voulu appliquer cette règle avec les mubtadi'a de la façon dont les ikhwan l'utilisent. Bien au contraire même, quand on regarde l'attitude et l'explication du cheikh à ce sujet-là dans d'autres contextes, dans d'autres passages, dans d'autres endroits, même dans le même livre, à la page par exemple, à la page 72 et 73, on voit que le cheikh il ne dit pas qu'on doit appliquer cette règle avec les gens de bid'ah, comme par exemple les Rafida. Bien au contraire même, il considère qu'il faut les combattre et lutter contre eux plus encore que notre lutte envers les ennemis extérieurs de l'islam. Donc il considère que de lutter contre eux, de faire le djihad contre eux, c'est plus obligatoire que de faire le djihad contre un ennemi extérieur, parce que ils sont à l'intérieur, c'est un ennemi intérieur. Donc on voit clairement que il n'applique pas cette règle de la même manière que les Ikhwan, et qu'il l'applique uniquement dans le contexte des divergences qui ont rapport avec le fiqh, dans les questions d'ijtihad. Donc le cheikh il dit, donc la parole du grand savant As-Sa'di, c'est une parole qui peut impliquer plusieurs significations si on la prend telle quelle, mais il faut bien entendu ramener cette parole-là à d'autres citations et à d'autres contextes pour voir exactement, c'est-à-dire il faut ramener la parole du cheikh dans son contexte puis retourner aux autres paroles qu'il a dit dans d'autres passages ou dans d'autres contextes où il a clarifié un peu plus qu'est-ce qu'il voulait dire dans ces paroles-là. Et quand on fait ça, on réalise que le cheikh Abdurrahman As-Sa'di, il n'a jamais voulu dire ce que ces gens-là ont voulu dire, eux, par rapport à cette règle. Parce que le cheikh, il mentionne justement que il faut faire attention aux gens de bid'ah. Ça fait partie de leur méthodologie, parfois, et de leur attitude. Ils vont essayer de chercher dans les paroles des grands ulama des paroles qui sont pas claires et qui peuvent être interprétées d'une façon à faire croire aux gens que ces savants-là voulaient dire la même chose qu'eux dans leur bid'ah, ainsi de suite. Et ça, c'est une méthode qui est bien connue de la part des gens de bid'ah. Ils vont prendre une citation d'un grand alim ou d'un grand cheikh qui est une citation qui peut induire portée à confusion parce qu'elle n'est pas clarifiée, elle n'est pas détaillée, et donc ils la prennent et ils la mentionnent comme preuve pour leur bid'ah, et donc ils trompent beaucoup de gens en utilisant cette méthode là mais quand tu retournes au contexte de la parole du cheikh elle-même, ou bien quand tu retournes aux autres écrits du cheikh, tu vois que cette parole elle a été expliquée en détail dans d'autres endroits de ses livres. Et là, tu réalises que cette parole-là, elle a été utilisée d'une manière malhonnête. Et le cheikh, il dit donc que ça, c'est quelque chose qui est fait souvent par les gens de bid'ah. Et même, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans le volume 2, à la page 374, dans Majmou' al-Fatawa, il dit que ça, c'est une manière qui est utilisée par les gens de bid'ah. C'est une façon d'agir qui est souvent utilisée par les mubtadi'a. Il dit, tu les vois ceux-là, Cheikh l'Islam, il dit, tu les vois ceux-là qui prennent les paroles des shuyukh et des ulama, qui sont des paroles qui sont qui prête à plusieurs significations, qui ont des significations équivoques. Hein. C'est des citations ou des paroles qui peuvent avoir plus qu'une signification. Et dans certains contextes, donc, ça a été dit d'une manière qui n'est pas claire ou qui est équivoque. Ils l'apprennent et ils l'utilisent pour essayer de justifier leur signification à eux, qui sont des fausses significations. Comme les chrétiens ont fait lorsqu'ils ont mentionné certaines paroles des prophètes. Hein? Et ils ont laissé tomber les autres paroles des prophètes qui sont claires et se basent sur certaines paroles des prophètes qui ont été qui prêtent à plusieurs interprétations pour essayer de justifier leurs paroles qui sont contraires à la vérité. Et donc il y a beaucoup de gens parmi les jeunes bédas qui ont utilisé cette méthode là et donc il faut faire attention et ramener les paroles des ulama au contexte, et aussi de ramener les paroles des ulama aux autres paroles et réunir toutes les explications que le cheikh a données sur un seul sujet, de les mettre ensemble pour savoir exactement qu'est-ce qu'il voulait dire. Hein, c'est comme par exemple, vous allez écouter un cheikh dans un cours qu'il a fait, il a vraiment approfondi les détails au sujet d'une question. Donc c'est clair. Dans un autre contexte, dans un autre cours, il l'a mentionné, mais il n'est pas entré dans les détails. Il a seulement mentionné le principe et la règle. Et donc, quelqu'un qui n'a pas entendu l'explication détaillée, il va entendre cette parole du cheikh qui est un résumé. Puis, il va le prendre puis l'utiliser pour justifier ce qu'il essaie de dire lui-même. Et ça, bien entendu, c'est pas une attitude correcte. Donc ça c'est pour réfuter à ce point-là. Ça c'est le premier point que le cheikh voulait mentionner. Mais aussi il y a un point que je voudrais rajouter à ce sujet-là. C'est que la question de qu'est-ce qui est pas clair ou qu'est-ce qui est ambigu ou qu'est-ce qui a été utilisé qui fait partie des paroles équivoques d'un alim ou d'un cheikh et qu'il faut le ramener aux autres paroles aux autres contextes où il a clarifié la question. Il y en a qui utilisent cette méthode-là parfois pour excuser des gens de bédah. Ils l'utilisent dans le sens contraire. C'est-à-dire, ils vont trouver des paroles des gens de bédah qui sont clarifiées, qui sont détaillées, vraiment détaillées de façon précise et claire. Et ils vont dire, il ne faut pas prendre cette parole où un tel a parlé de cette chose-là. Il faut retourner aller voir ailleurs, dans d'autres contextes ou dans d'autres livres où il a dit des choses différentes à ce sujet ou des choses, disons, qui n'impliquent pas ce qu'il dit dans cette citation-là. Et ça a été fait dans certaines paroles des gens qui voulaient défendre, par exemple, Sayyid Qutb. Quand on a mentionné, par exemple, le fait que Sayyid Qutb, dans son tafsir, il a mentionné la croyance de Wahdatul Wujud. Et il a défendu cette croyance-là. Et ça, il l'a fait de façon très très claire et évidente dans son tafsir de Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu Ahad. Et donc, il y en a qui ont dit non, il ne faut pas juste regarder ça, il faut regarder dans d'autres paroles qu'il a dit, dans d'autres contextes, où il dit des choses différentes où il explique des choses plus différentes à ce sujet-là, où il dirait des choses contraires. Toutefois, la parole où il explique Wahdatul Wujud, où il défend la croyance des soufis de Wahdatul Wujud, quand il mentionne cette croyance-là, il ne la mentionne pas de façon équivoque. Il la mentionne de façon qui est déjà claire et détaillée. Et donc, on peut pas dire que on peut passer par-dessus en allant voir qu'est-ce qui a été dit dans d'autres contextes ou d'autres situations, parce que c'est pas ça que ça veut dire lorsqu'on prend une parole qui est pas restreinte et qu'on la ramène à une parole qui est restreinte et qui la limite. C'est pas ça que ça veut dire. Hein? Eux, ils veulent utiliser cette règle-là pour al-mujmal ou al-mufassal ou al-mubayyin. Et ça, c'est pas dans ce contexte-là. Si quelqu'un dans un livre, il parle à un endroit et il détaille, il parle d'une bid'a ou d'une parole de kufr ou d'une idéologie des gens de Bid'a. Et il explique en détail, et il la défend, et il mentionne leurs arguments, hein, et puis il la supporte. Et puis dans un autre endroit, il la critique, mais d'une façon résumée, ou bien il mentionne une phrase en disant, ou en parlant de cette aqidah-là d'une façon négative, mais sans la réfuter. On ne peut pas dire que dans ce cas-là, on peut appliquer ce qu'il a dit dans cette petite parole-là comme étant une clarification de sa réelle position. Il faut qu'il réfute l'idée qu'il a supportée dans l'autre contexte et qu'il revienne sur cette erreur qu'il a faite de façon détaillée aussi, et qu'il réfute cette bid'a de façon détaillée. Donc j'espère que c'est quand même clair. Peut-être pour certains ça ne va pas être évident, cette idée-là ou ce principe-là, mais je pense qu'en ayant juste mentionné l'idée ou le concept, certaines personnes vont comprendre et ça va les amener peut-être à analyser ça de façon plus précise. Le cheikh, il dit là maintenant les paroles du cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah au sujet de cette règle. Qu'est-ce que cheikh ibn Baz a dit rahimahullah? Il dit, سماحة الشيخ العلامة المفتي عبد العزيز بن باز قال حفظه الله نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله. أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل. فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض. أما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقوله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجهما مسلم في صحيحه والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. Donc ça c'est la fatwa du Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Il est dans son Majmou' Fatawa, le volume 3, à la page 58-59. Le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, hafizahullah, il dit oui, il faut qu'on s'entraide sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, dans le but de défendre la vérité et d'appeler à la vérité et d'avertir contre ce que Allah a interdit, de même que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais en ce qui concerne le fait de nous excuser mutuellement dans les choses sur lesquelles on a des divergences, alors ça c'est pas de façon absolue. Il faut détailler à ce sujet, c'est-à-dire il faut clarifier et spécifier, clarifier de façon plus détaillée à ce sujet. Si c'est au sujet des questions d'ijtihad, au sujet desquelles la preuve est très difficile à connaître ou difficile à voir, alors dans des cas comme ça, il est obligatoire de ne pas se réprimander ou de se dénoncer, de se rejeter. De se réfuter, disons, les uns les autres, yani, parce que c'est des questions d'ijtihad au sujet desquelles la preuve elle est subtile, elle n'est pas facile à voir ou à déterminer ou à distinguer. Donc, au sujet des divergences qui font partie de ces questions-là, il ne faut pas se faire d'inkar mutuellement dans ces questions-là. Ok? On ne se fait pas de réfutation ou de, plutôt, disons, de d'inkar. On ne va pas se réprimander et se blâmer les uns les autres dans ces questions-là. Mais dans les questions au sujet desquelles il y a un texte clair dans le Coran et dans la Sunna, alors on doit se réfuter ou se réprimander ou se, disons, faire l'inkar par rapport à la vis-à-vis de la personne qui a contredit ou qui s'est opposé, qui a contredit le texte. Il faut faire l'inkar avec sagesse, avec la bonne exhortation et en débattant ou en argumentant avec la personne de la meilleure façon, en appliquant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 2 dans Surat Al-Ma'ida, et entraidez-vous mutuellement dans la bonté et la crainte d'Allah et le taqwa, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et en appliquant également le verset 17 dans Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et les croyants et les croyantes sont les uns les alliés des autres. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, le munkar. Et également, ils agissent selon le verset 125 dans Surat An-Nahl. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation et argumente avec eux de la meilleure façon. De même que, en utilisant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, celui d'entre vous qui voit un munkar, qui voit quelque chose qui est mauvais, ou qui est haram, ou qui est makruh, il y en a quelque chose qui n'est pas bon, alors qu'il le change avec sa main. S'il n'est pas capable, alors qu'il le change avec sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors avec son cœur, et ça c'est le minimum de la foi, le plus faible de la foi. Et également, il se base sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, celui qui indique quelque chose de bien, qui montre à quelqu'un d'autre quelque chose de bien, il aura la récompense de celui qui agit selon ce qu'il a indiqué. D'accord? Il aura sa récompense. C'est-à-dire, si tu montres à quelqu'un quelque chose de bien, eh bien, tu auras la récompense de cette personne-là lorsqu'elle fait le bien, elle aussi. Et ça a été rapporté dans le Sahih de Muslim, les deux hadiths qu'on a mentionnés. Et il y a beaucoup de ayat et beaucoup de hadiths à ce sujet-là. Donc ça, c'est la fin de cette parole du mufti, du sheikh, de l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, le sheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. Et donc ça nous explique la position du sheikh à ce sujet-là. Et que la règle des Ikhwan, on ne doit pas l'appliquer de façon absolue, hein, comme si on l'applique dans toutes les divergences, même dans les questions qui sont en dehors, les questions d'Ijtihad, on les applique dans les questions de Aqidah et dans les questions de fondement de la Sunna ou dans les fondements de l'Aqidah, non. Ça ne s'applique pas. Hein. Ça s'applique uniquement dans les questions d'Ijtihad, au sujet desquelles il y a des preuves qui sont subtiles et très difficiles à comprendre ou à voir. Donc ça, c'est pour la parole du Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Maintenant, la parole du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Le Cheikh, il dit dans son livre « As-Sahwa al-Islamiyya wa Dawabit wa Tawjihat » le volume 1 à la page 218 à 219, qui a été rassemblé par Ali Abu Louz. Abu Louz, il dit dans ce livre-là, قال حفظه الله قولهم نجتمع فيما اتفقنا فيه فهذا حق أما قولهم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل فيما كان الاجتهاد فيه سائغا فإنه يعذر بعضنا بعضا فيه ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف أما إن كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه ويجب عليه أن يخضع للحق، فأول العبارة صحيح وأما آخرها فيحتاج إلى تفصيل. انتهى كلامه. الشيخ يلزي dans cette فتوى. Il dit, la parole, quand on dit on travaille ensemble, on se réunit sur les choses sur lesquelles on est d'accord, ça c'est vérité, c'est vrai, c'est correct. Mais la deuxième partie, on s'excuse mutuellement dans les choses sur lesquelles on diverge, ça il faut détailler à ce sujet-là. Si ça fait partie des choses qui sont qui entrent dans l'ijtihad et qu'il est permis de faire l'ijtihad à leur sujet, dans ce cas-là, oui, on s'excuse les uns les autres, parce que dans les questions d'ijtihad, et que c'est des ijtihad qui sont valables, on n'a pas le droit de se diviser les cœurs à cause de ce genre de divergence-là. Mais si ce sont des ijtihad qui sont pas valables et qui sont incorrects, dans ce cas-là, on ne peut pas s'excuser. Alors, sujet, si on a divergé, on doit plutôt se soumettre à la vérité. Parce qu'il y en a qui font des ijtihad, mais qui font même pas partie des gens de l'ijtihad. Ça, c'est un. Et deux, il y en a qui font des ijtihad sur des sujets dans lesquels on n'a même pas le droit de faire des ijtihad, c'est-à-dire des sujets, des questions au sujet desquelles il y a un texte clair du Coran et de la Sunna, ou bien une ijma de la Ummah à son sujet. Donc dans des questions comme ça, on ne peut pas faire d'ijtihad. Et donc on ne peut pas juste dire qu'on va s'excuser mutuellement dans ces choses-là. Ça c'est un exemple. Et puis ensuite le cheikh il dit il faut se soumettre à la vérité, et c'est obligatoire de se soumettre à la vérité dans ces divergences-là, si c'est des divergences qui sont basées sur des ijtihad incorrects ou invalables. Non, ou non valable plutôt. Et le cheikh il dit donc que la première partie de cette expression elle est vraie, elle est correcte, mais la dernière partie il faut bien détailler à ce sujet là et bien clarifier. Ensuite il mentionne une autre parole c'est la parole de cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani rahimahullah à ce sujet-là. Il dit, ça c'était mentionné dans le magazine Al-Furqan qui est publié au Koweït, le numéro 77 à la page 22. Le cheikh il dit, قال حفظه الله منتقدا قائلي هذه القاعدة هم أول من يخالف هذه الفقرة ونحن لا نشك بأن شطرا من هذه الكلمة صواب، وهو نتعاون على ما اتفقنا عليه. والجملة الأولى هي طبعا مقتبسة من قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. أما الجملة الأخرى يعذر بعضنا بعضا لا بد من تقييدها متى لا بد من تقييدها متى يعذر بعضنا بعضا حينما نتناصح ونقول لمن أخطأ أخطأت والدليل كذا وكذا فإذا رأيناه مقتنع ورأيناه مخلصا فندعه وشأنه فنتعاون معه فيما اتفقنا عليه أما إذا رأينا عاند واستكبر وولى مدبرا فحينئذ لا تصح هذه العبارة ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. للشيخ الذي ça c'est intaha kalamuhu rahimahullah. Le cheikh il mentionne donc les paroles de Mohamed Nasiruddin Al-Albani à ce sujet. Il dit donc que il critique ceux qui utilisent cette règle des Ikhwan. Il dit premièrement, ceux qui l'utilisent cette règle sont les premiers à la contredire. Hein? Et ça c'est la réalité, qu'est-ce que le cheikh il dit ici. Hein? Eux, ces gens-là, ils prétendent qu'ils travaillent avec ceux qui sont sur les travails, ils vont s'unir avec les sur les choses sur lesquelles ils sont d'accord. Hein? Et ça c'est faux, parce que Et ici, ils prétendent qu'ils veulent s'unir pour travailler sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Eh bien, il y a plein de choses au sujet desquelles ils sont supposés d'être d'accord avec les salafis, et pourtant ils refusent de travailler et de se mettre dans le travail qu'ils veulent faire avec des salafis, parce que, bien entendu, ils ne veulent pas accepter la critique qu'on leur fait. Hein, ils ne veulent pas accepter qu'on les critique. Ils veulent uniquement travailler avec ceux qui ne les critiquent pas. Donc ça, c'est ça le problème, en fait. C'est pour ça qu'ils sont les premiers à contredire leurs règles. Hein? Ils veulent travailler uniquement avec ceux qui vont se taire face à leurs égarements et face à leurs erreurs. Hein? Donc, ce sont les premiers à contredire cette règle. Et il dit, nous, on ne doute pas que la première partie de cette parole, elle est correcte. C'est-à-dire, on travaille entre nous dans les choses sur lesquelles on est d'accord. Hein? Ça, c'est la première partie de cette expression, et naturellement, elle est en accord, et elle est tirée, disons, elle est extraite de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, et coopérer ou travailler tous ensemble dans le bon et dans la crainte d'Allah, dans la piété, dans la bonté et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la taqwa. Mais en ce qui concerne la deuxième partie, la deuxième phrase, hein, on s'excuse les uns les autres, ça, il faut la restreindre, il faut la limiter. On ne peut pas l'appliquer de façon absolue. Quand est-ce qu'on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a des divergences? Le cheikh, il explique quand est-ce qu'on peut appliquer cette règle. Il dit, c'est lorsque on se donne entre nous le nasiha et qu'on dit à celui qui a fait l'erreur, t'as fait une erreur. Voici la preuve. La preuve est une telle et telle preuve. Hein? On lui mentionne la preuve. Si on voit de sa part qu'il n'est pas convaincu, hein, on voit qu'il est sincère, alors on le laisse. Hein? On le laisse et on coopère avec lui, hein, sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Hein? C'est-à-dire, on lui a montré notre preuve, on lui a montré son erreur, et il n'est pas convaincu par ce qu'on lui a présenté, mais on voit qu'il est sincère, donc on le laisse. Hein? Parce que là, il a sa preuve et il est convaincu par sa preuve à lui. Hein? Et c'est un mujtahid, hein? C'est un alim, c'est pas n'importe qui. Mais en ce qui concerne une personne que lorsqu'on lui montre la preuve, il devient orgueilleux, il s'enfle d'orgueil et il a de la fierté et de l'arrogance. Hein? Istakbara, il devient orgueilleux, fier. Hein? Et puis il tourne le dos. Hein? Et bien là, on voit que on ne peut pas appliquer avec lui cette règle qui dit on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a des divergences. Parce que cette personne-là, elle rejette la vérité. C'est pas parce qu'elle cherche la vérité et qu'elle est sincère, non. C'est parce qu'elle est contre la vérité. Et quand on lui présente, elle s'enfre d'orgueil et elle rejette la vérité sans argument et sans preuve. Donc, c'est-à-dire les preuves de la sunna et du Coran. Hein? Donc ça, c'est la fin de la parole de Cheikh Al-Albani. Et maintenant, on va lire la parole de la fatwa de Lajnat al-Da'ima lil-Buhuth al-Ilmiya wal-Ifta fi al-Ta'awuni ma'al Jama'at. C'est-à-dire la fatwa du comité permanent de recherche scientifique et de fatwa au sujet de la coopération avec les Jama'at, hein, les groupes, les différents groupes. Et ça, le cheikh dit, وَهُمْ سَمَحَتُ الشَّيْخ الْعَلَّامَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازِ وَالشَّيْخ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْخ وَالشَّيْخ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنَ الْغُدَيَّانِ وَالشَّيْخ بَكَرَ أَبُو زَيْدِ وَالشَّيْخ صَالِحَ الْفَوْزَانِ وَصَالِحْ ابْنُ فَوْزَانَ الْفَوْزَانِ. Le cheikh ici, il dit que cette fatwa du comité de recherche scientifique et d'IFTA, elle est composée de des personnes suivantes. À la tête de ce comité, il y avait Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, il y avait le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh, et il y a le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Ghudayyan, et le Cheikh Bakr ibn Abdullah, Bakr ibn Abdullah Abu Zayd, et le Cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan. Donc ça, c'est les shuyukh qui étaient dans le comité lorsque cette fatwa a été émise. Et il dit, il mentionne le cheikh la question et la réponse. Et c'est la fatwa numéro 18870 1-8870-1-8870. Et la date de cette fatwa, c'était le 11e mois, le 16 de 1417, de l'année 1417 Hijri. Donc, dans cette fatwa, on a posé la question suivante. Il dit, وَهَذَا نَصُّ السُّؤَالِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. يقال إنه يجب التعاون مع كل الجماعات الإسلامية وإن كانت تختلف بينها في مناهج وطريق دعوتهم، فإن جماعة التبليغ طريق دعوتها غير طريق الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو جماعة الجهاد أو السلفيين، فما هو الضابط لهذا التعاون؟ هل ينحصر مثلا في المشاركة في المؤتمرات والندوات؟ وماذا عند توجيه الدعوة إلى غير المسلمين حيث يكون هناك التباس لدى المسلمين الجدد؟ فإن كل جماعة من هذه الجماعات سوف توجههم إلى مراكزها وإلى علمائها، فيكونون في حيرة من أمرهم، فكيف يمكن تفادي هذا الأمر تفادي هذا الأمر؟ الجواب: الواجب التعاون مع الجماعة التي تسير على منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والبدع والمعاصي ومناصحة الجماعات المخالفة لذلك، فإن رجعت إلى الصواب فإنه نتعاون معها، وإن استمرت على المخالفة وجب الابتعاد عنها والالتزام الكتاب والسنة والتعاون مع الجماعات الملتزمة لمنهج الكتاب والسنة، يكون في كل ما فيه من خير وبر وتقوى من الندوات والمؤتمرات والدروس والمحاضرات وكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين. انتهى كلامه، انتهى الفتوى. Donc le cheikh il mentionne, on va traduire maintenant la question et la réponse, et vous allez voir que ça c'est une fatwa qui est très importante, très bénéfique, et en particulier à l'époque actuelle, pour comprendre la position qu'on doit adopter envers les gens de bid'a et les différents groupes et les différentes jama'at. La question est la suivante. Si on se base sur la parole d'Allah dans Surat Al-Ma'idah, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، et coopérez entre vous, ou travaillez entre vous dans le bien et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la taqwa, et ne vous entraidez pas mutuellement dans le péché et dans la transgression. Quelqu'un pourrait dire, il y en a qui disent comme par rapport à ce verset là que c'est obligatoire de coopérer avec toutes les jama'at, tous les groupes islamiques, même si elles ont des divergences entre elles, même si ces groupes-là ont des divergences entre eux, dans leur façon et dans leur méthodologie de da'wah. Par exemple, quand on observe la voie, la méthode de Jama'at Tabligh, comment ils font la da'wah, on voit que leur da'wah est différente de la da'wah des Ikhwan al-Muslimin, ou bien de la, du groupe Hizb al-Tahrir, ou bien du groupe de Jama'at al-Jihad, ceux qui prétendent au Jihad, ou bien de, des Salafiyin. Donc, c'est quoi la règle à suivre? C'est quoi le principe à suivre? Le principe à suivre dans la coopération entre ces groupes-là ou avec ces groupes-là. Est-ce que ça se limite, par exemple, à coopérer dans le sens qu'on participe avec eux dans leurs conventions et dans leurs conférences? Ou bien est-ce que lorsque on fait la da'wa aux non-musulmans, on coopère avec eux dans ces choses-là, par exemple? Et si c'est le cas, eh bien, ça risque de faire beaucoup de confusion dans l'esprit des nouveaux musulmans, des musulmans qui sont convertis, parce que chacun de ces groupes-là va essayer de les orienter vers leur centre à eux, et vers leur groupe à eux, et vers leur ulama, vers leur savant à eux. Et donc, qu'est-ce qui va arriver à la fin? C'est que ces convertis-là, ces nouveaux musulmans-là vont être dans la confusion. Et comment on peut donc comprendre comment agir face à cette situation-là? Et les cheikhs, les ulama, ils ont répondu par la fatwa suivante. La réponse à cette question, c'est qu'il est obligatoire de coopérer avec la jama'a qui suit le manhaj du Qur'an et de la sunna, et ce sur quoi se sont mis d'accord les salafs de cette umma. Il est obligatoire de coopérer avec la jama'a, c'est-à-dire le groupe qui marche en accord avec le manhaj du Coran et de la sunna, et ce sur quoi ce que les salafs de la umma ont suivi dans la da'wa au tawhid, dans l'invitation au tawhid, et dans la purification de l'adoration pour Allah seul, dans le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah et l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la purification de l'adoration pour lui, et dans l'avertissement du shirk et des innovations et des péchés, hein, et de se donner, et on doit donner, il dit wa munasahatul jama'at, de donner la nasiha aux différents groupes qui sont en contradiction à ce sujet-là. Donc il faut leur donner la nasiha à ce sujet-là, d'appeler, de concentrer leur effort en premier sur le tawhid dans l'adoration, et de combattre le shirk et les innovations et les péchés. Hein? On doit donc donner la nasiha aux groupes qui ont contredit dans cette chose-là, et si elle revient à la position correcte, alors on pourra coopérer avec elle, avec lui, c'est-à-dire on pourra coopérer avec ce groupe-là. Mais si elle persiste et elle continue dans sa contradiction, alors il est obligatoire de s'en écarter et de s'en éloigner, et de s'accrocher au Coran et à la Sunna. Et le Cheikh il dit, donc on coopère avec les groupes qui sont en accord avec le manhaj du Coran et de la Sunna, et ça c'est dans tout ce qui amène le bien, et dans la piété, et dans la bonté, et dans la piété, dans leur conférence, dans leur convention, dans leur séminaire qu'ils organisent et tout, dans leurs cours et dans leurs conférences, et dans tout ce qui peut être bénéfique pour l'islam et les musulmans. Et donc ça c'est la fin de cette fatwa, et c'est la conclusion de ce livre. Le cheikh en conclusion, il dit je n'ai pas mentionné les cas pratiques, les exemples pratiques qui ont été ramenés par ceux qui appellent à cette règle, mais il dit que probablement que d'autres personnes vont pouvoir le faire, d'autres personnes qui seront intéressées vont pouvoir se concentrer sur cet aspect-là de la recherche pour montrer à quel point ils ont contredit le Coran et la Sunna. Et je pense que par rapport à cet exemple, je pense qu'on peut, quand le cheikh il dit en conclusion que d'autres personnes pourront le faire, l'exemple du livre du cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, quand il a écrit son livre Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul, et son autre livre qu'il a écrit Al-Mawrid al-Azb al-Zulal, ce sont deux livres qui ont vraiment donné des exemples clairs au sujet des contradictions des jama'at, comment ils ont contredit dans l'application de cette règle. Il y a également d'autres livres qui critiquent les jama'at et qui montrent leurs égarements et leurs contradictions. Donc ça, c'est des exemples de livres qui sont très bénéfiques, ok, à ce sujet-là. Donc, alhamdoulilah, on a vu qu'à travers ce livre-là, on a clarifié beaucoup de points. Toutefois, il y a d'autres exemples que je veux citer à ce sujet. Par exemple, la parole du cheikh, Abdullah ibn Abdurrahman al-Rudayyan. Il a parlé de la règle نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. On a posé la question au cheikh, quelle est votre opinion au sujet de la règle nous coopérons entre nous sur les choses, dans les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, hein, et nous nous excusons les uns les autres lorsque nous avons divergé, hein, au sujet de quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette règle? Et le cheikh Abdurrahman, Abdullah ibn Abdurrahman al-Rudayyan, il a répondu à cette question. Masha'Allah, et il a réfuté justement cette règle. Le cheikh, il dit, ça c'est tiré du site de Sahab, je l'ai tiré là-bas, sur sahab.net. Hein? Le cheikh, il mentionne sa position à ce sujet-là. Il dit dans les maqalat al-manhajiyya, c'est la date c'est le 7 février 2009, hein, ils ont mentionné ça dans ils ont mis ça comme parmi les maqalat dans le site Sahab. Le cheikh dit fadilat al-cheikh Abdurrahman al-Rudayyan yaqul hadhihi al-qa'ida qa'idatun min al-wad' al-jadid. يعني ما هي من القواعد العلمية من قواعد الأولين لأن هذه ممكن يستخدمها اليهود والنصارى والمسلمون يقولون نتفق على وجود الله نتفق على وجود الله على وجود الله خلونا نتفق على وجود الله كل واحد له دينه بمعنى أن نعترف بالأديان الباطلة وهذا ليس بصحيح لأن الله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه القاعدة يعني يمكن تطبيقها على ما ذكرت لكم يعني جميع الأديان الموجودة على وجه الأرض يتفقون على وجود الله يقول إن يعني نتفق على وجود الله ولكن كل على دينه يسمون هذا إباحة الأديان أو إباحية الأديان لأن فيه إباحية الأديان وإباحية العقول وإباحية الأعراض وإباحية النفوس إباحية النفوس مثل ما يجري الآن من هل القتل من القتل وإباحية الأعراض مثل اللواط ومثل الزنا ومثل رئيس دولة فيه دكتور أو بروفيسور وفيه عضو في مجلس الشورى عندهم في بلدهم العضو الذي في مجلس الشورى تزوج البروفيسور الذي يدرس في الجامعة ورئيس الدولة يقول إن هذا دليل على أن هذه الدولة تطبق الديمقراطية هذه الديمقراطية اللي يدعون بها الآن هي عبارة عن إباحية العقول من ناحية المسكرات وإباحية الأعراض أن أنا قرأت في قرار في قرار صادر من مؤتمر من مؤتمر عقد في الصين ومما جاء في المسألة الإباحية مسألة الديمقراطية ومما جاء فيه أنه يجوز للرجل أن يتزوج الرجل ويجوز للمرأة أن تتزوج المرأة فهل هذه مقاييس وضع هذه فهل هذه مقاييس وضعها الله جل وعلا أم أن هذه المقاييس وضعها أعداء الله جل وعلا فنترك شرع الله في جهة ونأخذ بقوانين الخلق من جهة أخرى هذا لا يجوز فهذه القاعدة هي مدخل لهذا الكلام مدخل لهذا الكلام الذي ذكرت لكم أما بالنظر للاختلاف في الفروع الفقهية أما بالنظر للاختلاف الفروع الفقهية التي تتجاذبها الأدلة فيختلف فيها العلماء يختلف فيها علماء على مستوى العلم فهذا ما فيه مانع فهذا هذا ما فيه مانع هذا ما فيه مانع له لكن هل يطبقونها على ما ذكرت لكم donc ça c'est la parole du Cheikh Al-Ghudayan et on va lire ensemble en français on va traduire cette parole du Cheikh il dit cette règle puis on voit que c'est le cas dans la façon dont ils appellent Ikhwan appelle à cette idée là parce que eux ils croient en la liberté de croyance comme on l'a expliqué dans le sharh du livre du Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul on a vu comment les Ikhwan croient en la liberté de croyance et la liberté de religion donc le Cheikh il explique ça le Cheikh il dit cette règle c'est une règle qui est nouvelle qui a été inventée nouvellement ça fait pas partie des qawa'id, des règles qui font partie des règles de la science islamique qui sont connues chez les premiers ulama de la Ummah. Non, c'est une règle qui peut être appliquée et utilisée par les juifs, par les chrétiens, même par les musulmans. On les voit, ils disent souvent, on est d'accord que Dieu existe. Donc ils disent les juifs, les chrétiens, les musulmans, même les yani, d'autres sectes, d'autres groupes, d'autres religion d'égarement, ils disent, on est d'accord qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, yani, on travaille entre nous, on coopère entre nous, puisqu'on est d'accord que Dieu existe, et chacun a sa religion, ça c'est pas grave. Et on reconnaît les religions fausses, le christianisme, le judaïsme, on les reconnaît, et on dit, ouais, ce sont des religions, ce sont des gens du livre, et on ne faut pas dire que ce sont des koufars. Ils ont leur religion et donc le cheikh il dit ça c'est pas correct de dire ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran et quiconque cherche une religion autre que l'islam il ne sera pas accepté de lui et il dit également Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran inna ad-dina 'inda Allahi al-islam la religion pour Allah c'est l'islam la religion qu'Allah accepte c'est l'islam et il dit à propos, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam et il dit non par ton Seigneur ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme juge entre eux dans toutes les disputes ou les désaccords qui sont apparus entre eux et qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucun inconfort ou aucune difficulté en eux-mêmes à propos de ce que tu as décrété et qu'ils se soumettent de façon entière et complète. Donc ça c'est la règle à suivre au sujet des questions de religion et de coopération. Il faut admettre, il faut dire, il faut reconnaître, il faut croire qu'il n'y a pas d'autre religion qui est bonne et qui est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est valable et qui est acceptable et qu'on doit agréer, accepter l'islam. Et que toute autre religion, que ce soit judaïsme ou christianisme ou autre, elle est fausse, elle est rejetée, elle n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est clair dans le Coran. Ensuite, le cheikh il dit, puis en plus de ça, cette règle, il est possible de l'appliquer. Dans les exemples que j'ai mentionnés, comme ceux qui disent toutes les religions qui existent sur la terre sont toutes d'accord sur l'existence de Dieu. Donc, on doit coopérer entre nous parce que on est d'accord que Dieu existe, hein, et chacun garde sa religion, et ils appellent ça la liberté de croyance, la liberté de religion, hein. Et ils appellent également à la permission, permettre les religions. Donner à tout le monde la liberté dans la religion, la liberté de raison, la liberté de dans les questions qui ont rapport avec l'honneur, hein, et la liberté dans les questions des âmes, comme par exemple, qu'est-ce qui se passe maintenant au sujet le cheikh, il n'a pas spécifié exactement qu'est-ce qu'il voulait dire par le qatl. Allahu a'lam. Il dit qu'est-ce qui se passe au sujet des tueries ou des meurtres. Et il dit également le fait qu'on a donné la liberté dans les questions d'honneur, comme par exemple la liberté de l'homosexualité ou la liberté dans les questions de fornication et d'adultère, hein. De nos jours, vous voyez que les koufars, ils font des scandales avec des questions. Par exemple, dernièrement, il y avait l'histoire, juste pour vous donner comme exemple, il y avait un enfant qui était très jeune, on avait dit qu'il avait eu un enfant avec une jeune fille. Une jeune fille, donc il était, supposément, il était déjà papa, il était tout jeune. Les koufars, ils ont fait un scandale avec ça, parce qu'il était jeune. Donc, qu'est-ce qui les dérange en fait? C'est pas le fait que la personne ait fait le zina, hein, parce que plus tard on a découvert que c'était pas vrai, c'était un mensonge que les gens avaient inventé pour attirer sur eux l'attention des médias, pour retirer de l'argent. Mais qu'est-ce qui les dérangeait? C'était pas le fait que l'enfant n'était pas marié avec l'autre, ou qu'il avait par exemple eu des rapports sexuels en dehors du mariage. Qu'est-ce qui les dérangeait? C'est l'âge de la personne ou de l'enfant. Hein? Et vous voyez souvent ça quand ils montrent dans les médias, par exemple, des jeunes filles qui tombent enceintes. Ils vont dire, oh, regardez, des enfants, un bébé qui a un bébé. Hein? Ils disent des choses comme ça. Puis là, ils font des gros débats là-dessus. Mais qu'est-ce qui les choque? C'est pas le fait que ces gens-là ont fait le zina et qu'ils ont fait la fornication et des trucs de ce genre. Non. Ça les dérange pas du tout. C'est juste la question de l'âge qui les dérange. Et là, même on en a entendu parmi les koufars qui ont commencé à dire, ah, mais ça c'est parce qu'ils ont arrêté de donner l'éducation sexuelle à l'école. Et donc ils savent plus comment faire pour ne pas tomber enceinte et d'utiliser les moyens de préservatifs, ainsi de suite, ou les contraceptifs et des choses comme ça. Donc, vous voyez ce qui les scandalise, c'est pas le péché et la désobéissance d'Allah. Qu'est-ce qui les scandalise? C'est une question futile, comme par exemple la question de l'âge ou autre. Hein? Et donc ça nous montre un peu la superficialité, puis l'égarement des gens qui sont à la tête des sociétés des koufars. Donc ça c'est un exemple. Donc ils appellent à la liberté dans les questions d'honneur et de mœurs, comme par exemple la liberté de l'homosexualité, la liberté de la fornication et de l'adultère. Et ils donnent un exemple, le cheikh, il dit dans un chef d'État dans un pays, il y a un docteur, un professeur, il y a quelqu'un qui fait partie des ministres, des gens qui font partie des députés ou du conseil de, comment on dit, Majlis al-Shura, comme ils l'appellent, dans leur pays. Il fait partie des membres du Parlement. Il s'est marié avec un professeur d'université, quelqu'un qui enseigne à l'université. Donc, le chef de l'État, il a dit dans ce pays, ça c'est la preuve que c'est un pays qui applique la démocratie. Hein? Donc ça, le chef, il dit, ça c'est la démocratie à laquelle ils appellent maintenant. Ils disent qu'il faut donner la liberté de penser, la liberté de croyance, la liberté de conviction, la liberté dans les questions d'alcool et de, il faut que les gens aient la liberté de boire de l'alcool. Et même dans certains pays, ils ont rendu licite la drogue, il y a certaines drogues, hein. Donc il y en a d'autres, ils permettent, le cheikh dit, ils permettent aussi les questions d'honneur, comme par exemple, il dit, j'ai lu dans un compte rendu d'une conférence qui a été établie en France, en Chine, hein, en Chine. Il y avait eu une convention en Chine, et parmi les choses qui ont été dites dans cette convention-là ou conférence-là, il y a la question de la permissibilité ou de liberté. Le cheikh, il l'appelle ibahiyya. Ibahiyya, ça veut dire tu deviens comme un libertin, tu permets tout et tu acceptes tout, hein, tu rends tout halal. Donc c'est ça, il dit ça, il y avait la question de démocratie. Et parmi les choses qui étaient mentionnées, c'est que il disait qu'il est permis à un homme d'épouser un homme et à une femme d'épouser une femme. Et donc le cheikh, il dit, est-ce que c'est ça la balance et la règle que Allah a révélée? Est-ce que c'est ça que Allah a établi comme règle, hein? Ou bien c'est une règle qui est établie par les ennemis d'Allah, hein? Donc on va abandonner la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis on va prendre ces lois que les êtres humains ont inventées, qui sont en opposition. Il dit, ça c'est pas permis. Il dit, donc cette règle que les Ikhwan ils utilisent, on peut pas l'accepter dans ce contexte là, hein, parce que eux ils l'utilisent pour faire rentrer toutes ces choses là mais si on parle des questions, des divergences dans les questions de furu', dans les branches des questions de furu' al-fiqhiyya, les questions qui ont rapport avec les questions de fiqh, les branches de fiqh, quand les preuves ne sont pas claires et qu'il y a des confusions ou des divergences au sujet des textes, en apparence les gens savent pas toujours qu'est-ce qui est la vérité au sujet de ces questions-là, et que les mujtahidin eux sont aptes à trancher dans ces questions-là et faire des ijtihad à leur sujet. Si des gens divergent sur ces questions-là et qu'ils ont un niveau de science, dans ce cas-là, oui, il n'y a pas d'empêchement à ce sujet-là. Mais il faut, est-ce qu'on va les appliquer dans les exemples qu'on a mentionnés de démocratie, de liberté que les koufars utilisent? Bien sûr que non, hein. Donc ça, c'était la parole du Cheikh Al-Rudayyan. Puis, on va terminer, avec la parole du Cheikh Bazmoul dans son livre Ibaratun Muhima. Des expressions qui sont ambiguës et qui ne sont pas claires, qui peuvent inspirer ou impliquer des choses fausses. Donc parmi les expressions qu'il a mentionnées dans le livre, à la page 22, le cheikh il dit, wa qawluhum yata'awanu ba'duna ba'dan fi ma ittafaqna alayh wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, حفظه الله, il dit, أقول هذه العبارة بهذا الإطلاق فيها نظر من وجهين أو من جهتين, أن من مسائل الاختلاف ما ظهر فيها دليل يلزم المصير إليه ولا يجوز أن يستمر الخلاف فيها, فهنا لا يصح أن نقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه, بل الواجب أن يقال يعلم بعضنا بعضا الحق فيما اختلفنا فيه. وثانيا, أن من مسائل الاختلاف ما تتجاذبه الأدلة فيها لا تعني فهنا لا تعنيف على المخالف, ولكن لا يقال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أو فيما اختلفنا عليه, وإنما يقال ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه, وذلك للوصول إلى معرفة الراجح من أوجه الخلاف مهما أمكن. Le cheikh il a bien résumé la question, et ça va être comme conclusion de tout ce qu'on a dit aujourd'hui à ce sujet-là dans ce cours. Le cheikh, il mentionne, il dit, au sujet de la parole, lorsqu'il dit on coopère entre nous dans les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a divergé, le cheikh Bazmoul, il explique, il dit que au sujet de cette expression-là, dit de cette façon absolue-là, sans restriction, il faut expliquer deux points. Il y a deux points à tenir compte à ce sujet-là. Le premier point, c'est que les questions de divergence au sujet desquelles la preuve est claire, et on a vu clairement que la preuve, elle existe, il est obligatoire pour nous de s'en aller vers la preuve et de la suivre. Il n'est pas permis de persister et de continuer dans la divergence à ce sujet-là. Il n'est pas correct de dire au sujet de ce genre de divergence-là qu'on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a divergé. L'obligation dans ces questions-là, c'est plutôt de dire, et on s'enseigne, hein, on se donne la connaissance, c'est-à-dire on s'enseigne les uns les autres la vérité au sujet dans les sujets sur lesquels on a divergé. C'est-à-dire on va se donner la connaissance et on va s'enseigner la vérité dans les questions sur lesquelles on a divergé. Lorsqu'il y a des preuves claires, on va pas s'excuser dans nos divergences, on va s'enseigner les uns les autres et on va se donner la connaissance au sujet de ces divergences-là. Et deuxième point à noter à ce sujet-là, c'est qu'il y a des questions de divergence au sujet desquelles il y a des conflits entre les preuves qui sont mentionnées. Dans ces questions-là, il ne faut pas utiliser la méthode agressive pour se critiquer ou se réfuter les uns les autres quand il y a des divergences. Donc, on va pas dire on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a des divergences, mais plutôt on va dire on se donne la nasiha les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a des divergences. De dire ça de cette façon-là, dans ce cas-là, c'est plus correct. Et ça, c'est dans le but d'arriver à la connaissance de la position qui est plus proche de la vérité lorsqu'il y a ce genre de divergence-là et qu'on essaie d'arriver le plus possible à la vérité. Donc ça, c'est un bon petit résumé de tout ce qui a été dit au sujet de cette règle des Ikhwan. Et on a entendu parmi les Ikhwan en Europe et en Amérique et un peu partout dans le monde qui se réfèrent à cette règle de Hassan al-Banna pour essayer de justifier et d'excuser toutes les formes de divergence et toutes les formes d'égarement, hein, et on a entendu un autre qui s'appelle Hassan Kuisen mentionner cette règle et dire que c'est ça qu'on doit suivre, et on a entendu également Tariq Ramadan essayer de se justifier en utilisant cette règle, et il est le petit-fils de Hassan al-Banna, donc on voit d'où il vient avec cette règle. Et on a vu également d'autres qui ne parlent pas de la règle, ils ne mentionnent pas la règle elle-même, ils ne mentionnent pas Hassan al-Banna, mais ils appellent à l'idée de cette règle dans leur attitude et dans leur comportement envers les gens qui ont des contradictions avec les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc il faut bien comprendre comment on doit appliquer notre manhaj et bien comprendre la position des salafs vis-à-vis de ces choses-là. Donc si j'ai fait des erreurs dans l'explication de ce livre, dans les clarifications de ce livre, cette erreur-là, elle vient de moi-même. Et yani, si j'ai dit quelque chose de vrai, eh bien ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, je demande à mes frères, à mes sœurs, dans ce cours-ci qu'on a donné, dans ce livre-là, et dans tous les autres livres et tous les autres cours qu'on a donné, que s'ils trouvent une erreur, s'ils trouvent une faute dans quelque chose que j'aurais mal expliqué, ou que j'aurais mal traduit, ou que j'aurais mal clarifié, ou que j'aurais manqué, ou je me serais trompé dans les mots que j'ai utilisés, ou les expressions, ou les paroles que j'ai utilisées, de me corriger et de me donner le bon conseil, comme c'est obligatoire à le faire entre nous, hein, parce qu'on est des musulmans, et de s'entraider dans la vérité, hein. Et yani, alhamdoulillah, je pense que tout le monde est capable d'avoir accès à mon adresse email ou à mon à l'adresse de mon site ou de me faire parvenir la nasiha. Donc il y a toujours possibilité de le faire. Celui qui veut me retrouver, il peut le faire. Donc s'il y a quelque chose à me donner comme nasiha ou comme conseil ou comme explication ou clarification ou critique ou quoi que ce soit, de me contacter et de le faire. Hein? Et inshallah, on va coopérer entre nous dans le bien et dans at-taqwa, et on va pas, bien entendu, s'entraider dans la péché, dans le péché et dans la transgression. Hein? Et il y a personne qui est infaillible. Donc, inshallah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Je vous avais dit hier qu'on va commencer un nouveau livre la semaine prochaine. Et je vous avais dit qu'on allait mentionner le livre qu'on allait faire la semaine prochaine, inshallah. Donc, ce livre, comme je vous ai promis, je vous le dis, c'est un livre du Cheikh Ahmed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, le frère du Cheikh Mohammed Bazmoul. Et le titre de ce livre, c'est « As-Sunnah fi ma yata'allaku bi wali al-Ummah ». C'est-à-dire la sunna au sujet de qu'est-ce qui a rapport avec le dirigeant dans la umma. Donc, on va lire ce livre-là ensemble pour réfuter encore une fois les paroles et les idées des khawarij et des gens de bid'a, parce que on a fait des cours là-dessus, mais on remarque qu'il y a encore des ambiguïtés et il y a encore des shubuhat qui traînent chez les jeunes, et donc on va essayer de faire diffuser un peu de la science qui est dans ce livre-là. C'est un livre exceptionnel dans son genre. Il est vraiment rempli de bienfaits et de bénéfices, de choses bénéfiques. Il est débuté par une introduction du Cheikh Ahmed al-Najmi et par le Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali. Donc, deux parmi les grands ulama actuels de la Ummah. Et c'est un livre, vous allez voir, qui est très bénéfique. On va probablement faire 3 cours par semaine avec ce livre-là, le samedi, le dimanche et le lundi. Aussitôt qu'on termine le Sharh de Hadith Jibril, on va commencer à le faire même le lundi, donc ça va être 3 cours par semaine. La semaine prochaine, samedi, Inch'Allah, on commence le premier cours dans ce livre, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته